listening to Overdrive on Radio Dio. C'est parti pour un Overdrive et 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio en ouverture Alcatraz avec cet album Live in Japan 1984 sur double CD live sur lequel on retrouvait bien entendu le chanteur Graham Bonnet et le guitariste, le très jeune guitariste Yngwie Malmsteen qui faisait tout simplement ses premières armes. Ça a été enregistré le 28 et 29 janvier 1984 du côté de Tokyo au Japon. Ce soir dans Overdrive, on aura de l'excellente musique, une petite interview également de groupe français. Et pour débuter, ce sera Ross the Boss avec son album The Legacy of Blood, Fire and Steel. Bien entendu, clin d'œil à Manowar, puisqu'il dit qu'il s'agit du premier guitariste du groupe et de son nouveau projet qu'il a depuis maintenant quelques années. Ross the Boss, du heavy metal pur et dur pour débuter Overdrive. We'll be right back. Yes, vous venez d'entendre le groupe norvégien Peel and Blue avec son album Secret Agent qui vient de voir le jour sur le label Indie Recording. Ce soir dans Overdrive, j'ai la chance d'avoir Bébert de Carcarias qui est avec nous à l'autre bout du fil. Donc comment ça va? Alors je sais que vous avez un peu fêté la sortie de votre nouvel album Afterworld aujourd'hui avec une longue journée promo. Comment ça s'est passé? Eh ben écoute, très bien, parce que moi j'ai participé seulement à la fin de la journée. Moi ça va, et là je finis en beauté, puisque tu es le dernier à qui j'ai l'honneur de répondre. Alors, il me semble que c'était à toi que j'avais eu affaire déjà en 2019 pour la sortie du précédent album Planet Chaos. Est-ce que tu t'en souviens? C'est possible. Je crois qu'on était à Paris, près d'un bar, ça devait être assez bruyant, non? Ouais, ça devait être quelque chose comme ça. Néanmoins, ça reste un super souvenir. Planet Chaos, paru en 2019, a bien relancé la machine, à mon sens, pour Carcarias. Vous avez fait quand même quelques dates. On se souvient notamment du Lyon Metal Fest, qui s'est déroulé à côté de Lyon, forcément, du côté de Montagny. Est-ce que tu peux revenir sur cette date? Est-ce que tu as un souvenir particulier, là aussi? Est-ce que c'était un bon moment pour vous? Ouais, super moment. Écoute, on connaît Mike ou Mick, c'est pas comment on prononce son prénom, mais de Destiny qui organise le festival. Donc c'est déjà un plaisir de les revoir. Et puis oui, on a vu pas mal de copains, notamment les copains de Gorod qui jouaient, oui, qui remplaçaient le groupe Untrail. Et donc c'était la bonne surprise. Que ça soit eux qui remplacent. Donc voilà, on s'est bien marré, on s'est bien amusé, c'était sympa. Bon, il faisait très chaud, mais c'était sympa. Exactement. Alors là, nous revenez avec votre nouvel album, Afterworld. Donc un disque, pour ceux qui ne connaissent pas Carcarias, qui a bien sûr des influences extrêmes, mais également une saveur toute, pour moi, 90s, puisqu'on retrouve beaucoup d'influences, de mouvements, de groupes, de sons, et d'esthétique de cette époque-là. On pense un peu à la vague gothique, avec certaines influences un peu progressives, même si la base du métal extrême est toujours présente. Alors, cette volonté, est-ce que c'était une volonté affichée pour vous de vouloir faire avancer votre musique lorsque vous êtes attelé à la composition de ce nouvel album? Non, mais c'est, on n'a pas de ligne directive. C'est Pascal, le guitariste, qui compose la musique de Carcarias. Et il a influencé par tout type de métal. Et puis après, il compose en fait ce qu'il a envie de jouer, ce qu'il a envie d'entendre. Sans objectif bien défini. L'essentiel, c'est qu'après, le morceau nous plaise, et point. Après, on cherche pas à copier tel ou tel style ou chercher tel ou tel mode. Voilà, on fait du Carcarias, voilà. Sans vraiment définition d'un style musical. C'est un peu des influences de tout. Bien entendu, vous étiez déjà présent dans la scène musicale à cette époque-là. Et puis, bien entendu, la musique a évolué grandement, à la fois dans la façon de composer, dans la façon d'enregistrer, dans la façon de se produire, et puis même ne serait-ce que d'écouter la musique. Donc cette scène des années 90, est-ce que vous en êtes, on va pas dire nostalgique, mais un petit peu, est-ce que c'est quelque chose qui vous manque d'une certaine façon? Alors, non, pas forcément, mais le seule chose qui pourrait peut-être, qui était appréciable à l'époque, c'est que il y avait des belles découvertes. Enfin, il y avait des styles musicaux qui se développaient. Et ce qui était intéressant, c'était cette découverte. Maintenant, j'ai l'impression qu'on a moins cette surprise que l'on a pu avoir à une certaine époque. Mais je parle comme un vieux, donc est-ce que je suis bien crédible dans ce que je dis, j'en sais rien. Mais voilà, non, je ne regrette pas cette époque, c'était une très bonne époque, mais maintenant c'est très bien aussi. L'avantage aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus facile pour un groupe de se faire distribuer, enfin de distribuer sa musique grâce aux plateformes numériques. Bien entendu, oui, et puis d'assurer soi-même sa promotion d'une certaine façon, c'est ce que vous avez choisi de faire pour ce dernier album qui est autoproduit. C'est ça. Bah, en fait, comme tous nos albums, et puis comme faut pas le cacher, comme la majorité des groupes aujourd'hui s'autoproduisent, après, c'est une question de distribution et de contrat avec les distributeurs ou les labels. Exactement, exactement. Maintenant, est-ce qu'on pourrait parler justement de l'enregistrement de cet album? Donc, vous avez confié la production à la fois à Jens Bogren qui s'est occupé de la partie mastering et puis Drop qui s'est plutôt occupé de la partie mixage et enregistrement. Donc, pourquoi ce choix et quel retour justement sur cette expérience? Alors, bon, déjà, on connaît Drop, même, on connaît depuis assez longtemps, c'est un copain. Donc, on sait qu'il travaille bien. Et donc, il y a aussi une autre partie non négligeable, c'est que son studio est à côté du domicile de Pascal, donc le guitariste. Et c'est vrai que c'est Pascal qui passe le plus de temps en studio. Donc, voilà, il y avait deux avantages, c'est le Drop, on est sur la même longueur d'onde, et c'est quelqu'un qui travaille très bien. Et en plus de cela, au niveau logistique, c'était pratique d'être pas trop loin du studio. Bien entendu. Bien entendu. Alors on va passer peut-être rapidement à un premier extrait pour ce soir avec The Hive, morceau que vous avez choisi de mettre en avant par un clip. Donc est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le concept qu'il y a derrière le morceau, puisque c'est un morceau qui, comme on va dire l'ensemble de l'album, il y a quand même un fil conducteur dessus. Alors d'un point de vue peut-être au moins des thèmes et puis de l'ambiance, à mon sens, même si on peut pas parler de concept album. Voilà, donc revenir sur ce choix et on va dire ce que le morceau veut dégager. Après le thème de Sarah, c'est déjà, c'est-à-dire la ruche en anglais. Oui, c'est ça. C'est une mégalopole où finalement une partie de la population est abandonnée, mais plus ou moins abandonnée, dans le genre on les pousse à se droguer, mais quelque part ils deviennent dépendants, enrichissent ceux qui produisent des médicaments, des produits dopants, etc. Voilà, mais bon, ça parle de cela sans dénoncer. On fait pas de politique, on n'a pas de message à faire passer. C'est juste un sujet parmi d'autres, plus ou moins d'actualité. Voilà. Et maintenant, d'un point de vue musical, on a là l'un des morceaux, un morceau assez direct, il me semble. Oui, c'est un morceau qui passe bien en live. Eh ben, on a hâte de l'entendre sur scène dans les prochains mois. Pour l'instant, ce sera en version, bien entendu, studio. Extrait de cet album Afterworld par le groupe Carcarias avec le morceau The Hive tout de suite. Carias avec son dernier album Afterworld et le morceau The Hive. Bébé, est-ce que tu es toujours avec nous à l'antenne? Oui, toujours. Ok, donc encore une fois, chapeau pour le boulot, un superbe album, une superbe production. Pour moi, beaucoup d'influences différentes, un son assez rafraîchissant puisque on n'est pas dans du death metal qui tourne à plein régime tout le temps. On passe par plein d'ambiances différentes et notamment pas mal de parties instrumentales sur ce dernier album. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez voulu développer? Alors, il y a toujours eu beaucoup d'instrumental dans Carcarias. La seule différence, c'est que là, sur cet album, il y avait plus de chansons qui se prêtaient à passer du chant. Et notamment du fait que Jérôme, qui a intégré le groupe maintenant il y a 4 ans via l'album Planet Chaos, Jérôme, il chante, il a un panel de possibilités assez large au niveau de son chant. Ça va aussi bien du death jusqu'à des chants plus, on va dire, mélodiques. Donc, ce qu'on pensait des fois mettre en instrumental, finalement, on a placé du chant dessus. Ben, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal du tout. Alors, l'album précédent, Planet Chaos, était sorti en 2019. Bien entendu, on sait tout ce qui s'est passé en 2020. Est-ce que la pandémie a influencé la composition et l'enregistrement de l'album? Oui, ça a fortement joué, puisque en fait, à la sortie de Planet Chaos, un mois après, on est rentré en confinement. Et puis donc, tous les concerts qui étaient prévus pour la sortie de l'album étaient annulés. Et donc, on a profité de ces 2 ans d'absence de concert pour composer et réaliser un nouvel album. Voilà. Donc, bon, c'est dommage de ne pas avoir pu faire de concert à cette époque-là. Mais bon, il y a pire, il y a plus dramatique que cela. Donc, en plus, on a fait un nouvel album. Donc, est-ce que vous avez regretté de ne pas avoir suffisamment défendu l'album Planet Chaos sur scène? Ben oui, c'est dommage. Mais bon, on n'a pas traumatisé non plus. Ça va, on vit bien. Bien heureusement, on ne gagne pas notre vie avec grâce au groupe, donc on n'a pas de pression particulière de ne pas faire de concert. C'est dommage parce qu'on était prêt à faire des concerts, mais c'est pas dramatique en soi pour nous. Et bien entendu, comment est-ce que vous avez pu fonctionner? Est-ce que vous avez quand même pu vous voir pendant ces années 2021-2022? Répéter? Ou est-ce que vous avez plutôt échangé des fichiers par Internet? Comme habituellement, on fonctionne comme ça. Pascal, le guitariste, enregistre tous les morceaux, enfin, fait une maquette. Il les envoie, je place la batterie dessus. Ensuite, on valide ce qui va, on jette ce qui va pas, on modifie, voilà, jusqu'à ce qu'on tombe d'accord. Et puis après, éventuellement, on se fait des répètes pour voir ce que ça donne. Et puis une fois qu'on est bien en phase, tout est prêt, on part en studio. D'accord. Et quand il t'envoie justement des démos, est-ce qu'il programme une batterie ou est-ce que tu as carte blanche? Non, il m'envoie juste les morceaux sans batterie avec le tempo. D'accord. Il y a juste un clic. Et puis après, j'ai carte blanche, c'est ce que je veux dessus, quoi. C'est ensemble qu'on dit, ça c'est naze, ça c'est vraiment très naze, ça c'est complètement nul. ça éventuellement, c'est pas trop mal, on le garde, voilà. Et est-ce que tu es justement équipé pour maqueter de cette manière-là, afin de rajouter tes parties de batterie sur ces enregistrements? Oui, après j'enregistre la batterie chez moi, et puis après on enregistre la vraie batterie de notre local. Ok, oh, plutôt cool. Oui, ça c'est cool, pas trop mal équipé, et puis... Ça permet justement d'être totalement indépendant et pas simplement dépendant d'un studio. Voilà, tout à fait. Et puis après, on va obligatoirement en studio parce qu'après, c'est vraiment un métier aussi, l'enregistrement et surtout le mixage. Mais c'est vrai que le crew, on détricote pas mal tous les défauts avant d'arriver en studio. Pour une mauvaise surprise. Le studio, c'est juste tout est bien validé avant. Voilà. D'accord, ça permet justement d'avoir ce qu'on appelle une pré-production qui est nickel et qui permet justement de savoir où est-ce qu'on va lorsqu'on est en studio. Tout à fait. On découvre pas ce que fait chacun en studio. Mis à part le chant où des fois en studio, c'est là où il y a le plus de surprises, mais de bonnes surprises. Mais tout le reste est bien peaufiné. Hein. Ok, et justement, tu penses pas que le studio peut être aussi un moyen un moment où on expérimente un peu plus, alors peut-être moins sur les parties, on va dire, qui sont fondamentales, comme celle de batterie, mais justement sur différentes couches de guitare, et puis également des parties de programmation de son, de clavier, etc., ou même de couches de voix successives. Ah bah si, oui, après, et c'est là l'intervention de celui qui nous enregistre, qui mixe, Drop. Lui, il apporte ça aussi sa touche en disant, c'est pas mal de faire ça, ou de mettre tel effet. Il y a des choses, c'est sûr qu'en studio, il y a beaucoup d'idées qui arrivent. Des idées que l'on n'a pas forcément lorsqu'on répète dans un local ou quand on travaille chacun de son côté, quoi. Bien entendu, et puis c'est le moment où justement il faut arriver à donner vie à ce qu'on fait un petit peu chacun dans son coin, et puis produire non pas quelque chose qui est fait dans un local de répétition, mais quelque chose qui peut s'écouter, on va dire, n'importe où, que ce soit sur un téléphone portable, dans un CD, dans une voiture ou autre. Donc ça, il faut arriver à produire quelque chose de fini d'une certaine façon. C'est vrai que le dernier album de Pierre Carrière, je pense qu'il est audible dans tout type de support, en fait. La batterie est assez aérienne, elle laisse place beaucoup à la guitare et à la mélodie, donc ça permet de différencier, distinguer chaque instrument. Exactement. Forcément, quand on a des gros nappages de double pédale, des gros blast beats, donc voilà. Et, non, et ça, c'était volontaire justement d'épurer un petit peu le jeu. Oui, c'est vrai que on voulait que la batterie soit plus aérée, et moi aussi. On voulait vraiment laisser la place à la mélodie, à la musique, et que la batterie accompagne, mais pas qu'elle soit démonstrative ou. On est un peu blasé. Moi, j'apprécie beaucoup les groupes où y a beaucoup de avec des batteurs phénoménales. Mais au bout d'un moment, la démonstration, c'est bien saporifique. On ne sait plus si c'est un groupe qui fait un solo de batterie ou si c'est un groupe au final, quoi. On n'aime plus les guitares, les mélodies, et tout se ressemble au final. Donc là, c'est vrai que c'est assez... bien blasé, ça devient un peu blasant, en fait. C'est voilà. assez flagrant dans le death metal très moderne, en fait. Très moderne, qui est malgré tout assez éloigné de ce que c'était originellement dans les années 90 et fin 80. Parce que quand on regarde le il y avait quand même de très bons musiciens, mais c'était pas une musique qui était faite pour être technique. À la base, le death metal, c'était le côté grosse. Bah, même si Morbid Angel, déjà, avait quand même de superbes parties de instrumental, ils avaient déjà les super batteurs, super guitaristes, etc. Néanmoins, le propos, c'était de fournir une musique qui était lourde, qui prenait bien entendu la vitesse un peu du thrash, et avec un son plus sale peut-être, et plus lourd en même temps, avec une voix gutturale. Donc là, on n'était pas simplement dans être de la démonstration technique, ça c'est venu avec les années, et puis je pense aussi avec l'évolution technologique des techniques d'enregistrement. Ça, c'est à mon sens important. À l'époque, enregistrer début des années 90, enregistrer une double pédale qui s'entende de manière, on va dire, audible dans un gros foutoir de guitare saturée. C'était pas évident, à mon sens. Je pense que oui, c'est sûr. Avant qu'il y ait les tricks de grosses caisses, la plupart des batteries, notamment dans le Brutal Death, où sont quand même souvent triggées, quoi. C'est sûr que là, c'est un gain de temps pour l'enregistrement et puis au final pour l'audition finale, pour justement bien distinguer tous les coups de grosses caisses. Ouais, bien sûr. Mais par contre, voilà, ce style où la batterie y en a un peu trop partout, même si je suis admiratif des batteurs qui jouent dans ces styles-là, c'est plus trop notre tasse de thé. On est assez blasé par... Est-ce que tu penses que c'est une question d'expérience aussi, penser avoir un peu fait le tour de l'aspect démonstration et plutôt vouloir se concentrer sur la composition, l'aspect création et l'essentiel d'une certaine façon? Oui, alors après nous on n'a jamais été démonstratif et puis on n'a pas la prétention de pouvoir être démonstratif, hein. Mais c'est vrai qu'on est plus posé, quoi. C'est plutôt, jouer cool, hein. Après, l'expérience, je sais pas, parce qu'il y a plein de groupes qui ont plus d'expérience que nous et qui continuent à faire du ultra bourrin, ultra technique, etc. Mais nous, on aime bien quand ça change, quoi. Faire du copier-coller, on n'est pas, pas les Bolt Thrower du Death Melodic, quoi. Ouais. Et puis une volonté Bolt Thrower, attention. Une volonté de poser une ambiance aussi, il me semble que... Oui, voilà. C'est important pour Carcarias que les morceaux arrivent à se développer et ne pas tout dévoiler d'un coup, mais arrivent à se dévoiler au fur et à mesure en développant des différentes ambiances et en arrivant à installer un certain groove, notamment sur le morceau qu'on va diffuser tout de suite, Angst, qui est un morceau assez long, sur lequel on a une ambiance là assez gothique, par les voix bien entendu, années 90. Moi j'ai pensé, quand j'ai entendu ça, j'ai entendu la mélodie de guitare, j'ai entendu les voix, j'ai tout de suite pensé à des groupes forcément comme Paradise Lost ou même un Tiamat de ces années-là. Est-ce que c'est là aussi des choses que vous avez ressenties à la composition? Je connais ces groupes, mais alors ça fait tellement longtemps que je n'ai pas écouté, je ne sais même plus trop à quoi ça ressemble. Non, après, il n'y a pas d'influence. Encore une fois, c'est un chemin naturel, quoi. Ouais, je ne cherche pas à ressembler à tel ou tel groupe ou avoir tel ou tel style du moment. C'est instinctivement. Puis après, effectivement, ça peut faire penser à tel ou tel groupe. C'était pas l'objectif. Ok, et maintenant, donc les plans pour Carcarias, est-ce que vous avez des concerts prévus pour défendre cet album? Après, bien entendu, l'album Maudit sorti en 2019. Niveau concert, pour l'instant, on a quelques touches, mais pas de confirmation. Donc je pense que l'année 2023 risque d'être encore un peu calme pour nous. On voit que les programmations sont déjà bien saturées. Voilà, tous les groupes qui n'ont pas pu tourner en 2020, 2021 ont repris en 2022 et puis 2023. C'est bien saturé, j'ai l'impression. Alors on a des plans on n'a pas répondu favorablement parce que les conditions ne permettent pas de jouer dans de bonnes conditions. Mais globalement, je pense que ce sera plutôt fin 2023, 2024 que ça se concrétisera parce que, tous les contacts que l'on a, c'est ce qu'on a eu. Cette année, c'est saturé, mais l'année prochaine, on vous a mis sur la liste, donc. En tout cas, on sera là pour annoncer les concerts. En attendant, écoutez bien le dernier album de Carcarias, Afterworld, dont on va diffuser tout de suite un morceau, Angst, en espérant le voir sur scène prochainement. En tout cas, Bébert, merci à toi Chapeau encore une fois pour le boulot sur ce dernier album. Si vous aimez le métal extrême, si vous aimez le métal progressif, le métal mélodique, les années 90 et tout simplement la bonne musique, je pense que vous apprécierez le dernier album de Carcharias, Afterworld. Et encore une fois, merci à toi. On envoie le morceau Angst tout de suite pour une belle envolée musicale. Merci à toi et à bientôt. Encore une fois, merci à Bébert de Carcarias pour l'interview. Ce soir, jetez-vous sur leur dernier album, Afterworld, c'était le morceau Angst. On revient avec les Finlandais de 69 Eyes dans un style gothique. Le groupe a un succès fou du côté de sa Finlande natale et a décidé sur cet album de faire plaisir à leurs fans nationaux avec cet album The Death of Darkness, sorti sur Atomic Fire Music. Vous écoutez toujours Overdrive, Radio Duo. Here's a dime. le groupe 69 Eyes, tout de suite dans Overdrive, avec The Death of Darkness, super catchy, un album sur lequel les Finlandais, comme je l'ai dit, ont voulu faire plaisir à leur public national finlandais, qui les a toujours accueillis et donné beaucoup de succès. Alors du heavy metal maintenant, on retourne dans le heavy metal pur et dur avec Smolder, Violent Creed of Vengeance. Alors mais on n'est pas dans du power metal moderne, puisque là on retrouve une production on va dire assez 80s, avec des groupes comme Thief Angle ou alors Grim Reaper. Voilà, bien entendu dans cette vague de groupes comme Enforcer, qu'on appelle le New Wave of True Heavy Metal. Des groupes qui souhaitent retrouver un heavy metal avec une ambiance un peu plus pure et on va dire un peu plus organique que des productions un peu plus aseptisées et modernes. Smolder, Violent Creed of Vengeance, c'est dans Overdrive Radio Duo. Here you roll, that hand through. Yes, Smolder avec son album Violent Creed of Vengeance du true heavy metal. Maintenant dans Overdrive, on passe à quelque chose de largement différent avec cet album du groupe Waking the Misery Phoenix. Ça vient de voir le jour sur Ellie Recordings, Ellie Promotion. On retrouve un groupe ici qui nous vient de la région parisienne et qui est de grande influence de la scène new metal de la fin des années 90 et début des années 2000, également d'influence hardcore. Donc on pense bien entendu au Sleep Not Linkin Park et puis également à des formations comme l'Esprit du Clan ou alors l'Ophophora, donc et qui viennent apporter un son lourd qui aurait vraiment cartonné s'il avait été sorti au début des années 2000. On pense également à des groupes comme S, etc. Voilà, Waking the Misery, tout de suite dans Overdrive Phoenix. On est là avec ce nouveau line-up pour le groupe et le morceau X qu'on envoie tout de suite dans Overdrive Radio Duo. Mr. Jack, can I bother you now? Voilà pour le groupe Omium Gatherum que vous venez d'entendre dans Overdrive Radio Duo. Il est maintenant 22h passées de 42 minutes. On va passer au groupe Enter Shikari. Enter Shikari, le groupe de, on va dire, metal pop moderne. Ce qui nous envoie, c'est Kiss for the Whole World. Pas mal d'influences, bien entendu, électro, beaucoup d'influences de la musique pop, bien entendu, beaucoup de, d'effets, notamment sur les voix, notamment également sur les chœurs. Ça reste très catchy, l'album dure à peine 35 minutes pour 12 titres, des morceaux courts et directs, comme sur ce morceau qu'on envoie tout de suite, Enter Shikari. Enter Shikari, Enter Shikari pour les amateurs de métal plus pop. Voilà, on maintenant continue avec Cradle of Filth. Cradle of Filth qui nous sort un album live sur lequel on retrouve certains deux titres pour être plus précis, inédits, donc nouveaux titres studio qui annoncent la couleur pour le futur du groupe de Danny. Ça s'appelle Trouble and the Double Lives, le premier album live en plus de 20 ans d'existence. On retrouve ici pas mal de bonnes choses, et notamment ces derniers albums qui, depuis 2015, sont absolument superbes. Les derniers albums de Cradle sont vraiment super cool, depuis Hammer of the Witches, Cryptorania et Existence is Future, paru en 2021. On s'écoute l'un des deux inédits studios avec le morceau She's a Fire, qui nous prouve que le père d'Annie en a encore sous la ceinture. Thank you. Ce sera au tour de Axel Rodipel pour terminer l'émission ce soir avec son album The Ballad 6, recueil de ballades et de reprises. Ce sera Dust in the Wind de Kansas, sur lequel la voix du chanteur Johnny Jolly Fallon et merveille. On rappelle encore une fois Carcarias ce soir, mise en avant dans Overdrive avec son dernier album Afterworld. Jetez-vous dessus, c'est super cool. Je vous dis la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur le 895 de Radio Duo, 21h, 23h, pour de la musique qui pulse rock, metal, hard rock, heavy metal, death metal, thrash metal, stoner. Vous voulez du heavy, il y en a. Voilà, je vous remercie. On rappelle également le www.facebook.com/overdrive-radio-duo, également www.radio-duo.org, les podcasts hébergés sur la console, la plateforme Mixcloud, pour retrouver toutes les informations sur les morceaux que vous auriez pu aimer et les références. Merci, ciao, bye bye. Demain soir, du côté de Goodies à Saint-Étienne, vous aurez un concert de métal avec Heart Attack, Genocide et également d'autres groupes. Ça devrait être super beau, super cool. Merci, ciao, bye bye. Now don't